Ce que tu peux faire, c'est que tu commences par ordre alphabétique, donc c'est par là. Qu'est-ce qui me manquera sur ce collège? Pas grand-chose, parce qu'il y a l'essentiel, on part avec les gens avec lesquels on travaille. Donc comme c'est eux l'essentiel, ils ne manqueront pas, je pars avec. Donc non, il ne manquera pas grand-chose en soi. Respect de l'environnement et qualité de la construction. Utilisation des matériaux biosourcés. Structure du bâtiment en bois, intégration des énergies renouvelables avec une production d'électricité en autoconsommation. J'ai dû faire 4 années au total dans l'autre collège, et ce qui change, c'est les conditions de travail. Il n'y a pas photo. Dans l'ancien collège, on avait des conditions de travail qui étaient compliquées. Les élèves avaient des conditions d'études qui étaient compliquées, juste par rapport au bâtiment, c'était lié au bâtiment. En gros, on peut résumer ça en deux choses. L'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid. Réglementation environnementale 2020. Éviter, réduire et compenser les impacts sur l'environnement. Ah bah le collège, il est super fonctionnel. D'abord parce qu'il est simple pour s'y retrouver, vous avez pu voir, vraiment s'y retrouver c'est facile. L'acoustique dedans, ça va être totalement différent d'ici, juste rien à voir, beaucoup plus agréable. Il est en plus dans notre démarche de développement durable, donc ça répond à nos préoccupations dans cet établissement, parce qu'on a été labellisé établissement en voie de développement durable, donc ça correspond aussi. Et puis au niveau thermique, l'air de rien, hyper économique, quoi. Juste rien à voir avec ici, où c'est un gouffre, où il a été construit, où il fut un temps où on ne se souciait pas de ce genre de choses. Quoi. Évolutif. Les locaux seront modulables afin de pouvoir s'adapter dans la durée à de nouvelles formes de pédagogie. Ça reste un collège à taille humaine, quoi. Donc ouais, on est proche d'eux, quoi, des fois. Ah bah ça, il faut pas que ça change. Chaque année, quand les troisièmes y partent et que je leur remets leur affectation, qu'ils sont affectés dans des lycées, que je me dis qu'ils vont s'épanouir, à chaque fois, moi, ça me... C'est idiot, hein, mais voilà, j'ai vu les gamins, je suis vraiment ému avec ça, quoi. Je connais des fois leur peine de cœur, je connais leurs problèmes avec leurs parents, je connais des situations des fois super liées, des fois des trucs très tristes. Oui, on les connaît très très bien, même des fois assez intimement, quoi. Soucieux de l'égalité filles-garçons, l'organisation de la cour doit encourager la mixité et permettre à toutes et à tous de trouver sa place dans l'espace. Ça change l'espace qu'on aura à surveiller, ça va changer... Les aménagements au niveau des élèves, on y aura un confort qu'on n'a pas dans l'ancien établissement. Des plus grands foyers, du coup les enfants sont contents. Une cour, oui, ça leur permet de jouer, une cour tranquille. Parce que dans l'ancien établissement, on faut traverser le terrain de foot pour accéder aux deux parties. Alors que là, ceux qui voudront jouer au foot, ils iront jouer au foot. Et ceux qui voudront discuter resteront du côté calme. Je pense que les premiers temps vont être un peu compliqués pour tout le monde, que ce soit pour le personnel ou pour les nouveaux élèves et les anciens surtout, parce que ça va falloir s'habituer au niveau des règles, de comment ça va se passer, comment apprivoiser l'environnement. Mais non, c'est pas une appréhension, ça va être plus se découvrir sur le tas. Normalement, il y aura un foyer à 10 calmes. Voilà, un espace de détente et un foyer plus pour jouer, etc. Mais on veut aussi que ce soit les élèves qui se l'approprient, donc on va bosser là-dessus pour que eux-mêmes ils décident un peu ce qu'il y aura dedans. Il y aura le baby-foot, on a envisagé d'acheter un billard. J'ai peur qu'un billard ça ne vise pas bien, donc on est encore en discussion, mais on va voir quoi. On a plein de projets là-dessus.